19.2. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images ci-dessous, écoutez et répétez les énoncés correspondants. 1. Robert et Mireille ont traversé le Luxembourg. 2. Ils sont passés devant l'Institut. 3. Ils se sont assis à la terrasse de la closerie. 4. Robert a regardé sa montre. 5. Le garçon s'est approché. 6. Mireille a pris un tir. 2. Écrivez la lettre qui identifie chaque énoncé que vous entendez sous l'image à laquelle il correspond le mieux. A. Robert a regardé sa montre. B. Ils sont passés devant l'Institut. C. Le garçon s'est approché. D. Robert et Mireille se sont assis à la terrasse de la closerie. E. Ils ont traversé le Luxembourg. F. Mireille a pris un tir.